danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Quand les Indiens dansent, c'est autour du feu. Ils vont tous de l'avant. Ils vont tous de l'avant, tout en tournant, mais autour du feu. Quoi que je parle, quoi que je fasse, oh mon Seigneur, que je reste autour du feu, le feu de ton Saint-Esprit. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. La peau indienne. La peau indienne, la peau indienne. Quand les Indiens veulent faire leur beauté, ils mettent quelque chose. Ils doivent appliquer sur leur corps une substance rouge. Ma beauté et ma protection, et j'applique dans mon cœur le sang de l'agneau. La peau indienne, la peau indienne, la peau indienne. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Un Indien va en forêt et qu'il a fini son travail et qu'il veut repartir dans sa maison et qu'il va de l'avant en revenant là où il était. Il doit se poser des questions s'il n'est pas perdu. Tu as laissé les mensonges et tu vas vers le ciel. Pourquoi reviens-tu là déçu? N'es-tu pas perdu? La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Indiens tuent un seul bison, tout est important pour la famille. La peau et les os, et même le sabot, tout est important pour la famille. Il n'y a rien à jeter, oh Jésus, tout est important. En croyant ta parole, c'est l'agneau de Dieu. Tout est important pour ma famille. Il n'y a rien à rejeter. La danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. La danse indienne, la danse indienne, la danse. Bon na loyembo oyo ya danse indienne mingi balobaka ndeko oyo makambo misusu ayembaka vraiment eza très difficile mpona kososola bo seulement une image nangi nalakisa botala ndenge nini baindien babinaka moto munene bazokende kobalukaka tout autour ya moto ezala pe vie na biso bakristo ata oza koloba politique ata oza koloba sujet n'importe lequel na mokili oyo salaka attention kobima libanda ya moto te c'est-à-dire ata ozoloba tozosala tozwa décision zalaka zingazinga ya moto ya molimo sante parce que mingi mona tomboki atomboki mpe abimi na akei hein? Donc yo ntango ozozwa décision ozoloba ozosala nyonso tournaka kaka tout autour du feu bao bayebi histoire ya baindien soko longwe pepene ya feu ale vraiment eza mawa mingi donc yango wana nde histoire nangi naloba na bana nzambe oyo nyonso décision eloko toko ozwa na mokili oyo sala yango tout en imitant les indiens osala danse indienne omoniki azokende liboso azozonga epuis aza toujours autour du feu biso mpe tozwa décision tosala toloba tozala toujours autour du feu du saint-esprit kolo apambola bino mingi